toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, toujours près de toi, plus près de toi, Seigneur. Alléluia, plus près de toi. Na belema na yo zombe naga na be Le mana yo zombe nanga na be le mana yo na be le mana yo na be le mana yo zombe nanga ngana be le mana yo Nabele mana yo Zambe nanga Zambe nanga Nabele mana yo Nabele mana yo Zambe nanga Nabele mana Nabele mana Nabele mana Nabele mana Nabele mana yo Kila Tata ninge Ninge wandiri kafumu Nge umvidi mpe Kila approcher de toi, parce qu'auprès de toi nous avons la vie, nous avons le salut, nous voulons être plus près de toi, et nous avons la foi qu'au dernier jour nous nous rencontrerons pour être face à face avec toi.

maman.